Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne que nous allons peut-être rebaptiser un jour en Cimetière de la Sterne puisque chaque épisode est dédié à un oiseau qui a disparu. Ce sera effectivement mon cas, mais rassurez-vous, Sophie sera là pour vous parler d'oiseaux qui, eux, existent encore. En tout cas, c'est le programme de votre Courrier de la Sterne. Chaque semaine, on se réunit avec Sophie pour parler de nos découvertes de ces 7 derniers jours. Comment ça va, Sophie ? Eh bien, écoute, pas mal du tout. Je reviens du coup de mon voyage au Japon et c'était effectivement très agréable. Voilà, très beau voyage. J'espère que tu as vu de beaux oiseaux. J'en ai vu quelques-uns, mais bon, comme j'y allais pas mal pour bosser aussi, j'ai pas trop eu le temps de faire beaucoup de balades ornitho, mais il y a quelques photos qui devraient arriver sur Twitter, j'espère. On espère, voilà. Évidemment, tout ça. Tu as vu justement des cormorans japonais ? Alors, j'ai pas eu le temps de les voir et j'ai été très déçue, mais je m'étais pas mal renseignée sur le sujet et du coup, ça m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui. Intéressant. Moi, je vais vous parler d'un oiseau qui vient d'Amérique du Sud, qu'on cherche, mais qu'on n'a pas trouvé. Et je pense que je vais démarrer. Pour la simple et bonne raison que cet oiseau est la colombe de Geoffroy. C'est un oiseau dont la dernière photo remonte à 1985. C'est un oiseau qu'on trouve en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, au Paraguay. Un dernier signalement qui a été réalisé notamment dans une interview de Carlos Keller, qui est un écologiste brésilien. Et c'est un enregistrement un peu particulier qu'est cette interview, puisque l'oiseau, eh bien, on l'entend. On l'entend et c'est quelque chose qui va être très intéressant, puisque il y a, pas plus tard que le mois d'octobre dernier, une équipe a sorti une étude, puisqu'elle a décidé de mettre en place pendant environ 2 ans un programme pour essayer de retrouver cet oiseau, qui donc a disparu depuis 1985 dans les forêts brésiliennes et argentines. On va revenir évidemment là-dessus. Mais comment ils vont faire ? Eh bien, ils vont utiliser la bioacoustique pour retrouver l'oiseau à l'état sauvage, mais ils vont surtout utiliser de l'intelligence artificielle pour essayer de la retrouver. Oh, incroyable, n'est-il d'accord. pas ? Alors c'est Carlos Arroyo et son équipe qui est donc écologiste à l'Institut de biologie subtropicale de l'Universidad Nacional de Misiones d'Argentine qui est à l'origine de ce processus qui a eu lieu en 2 étapes en réalité. D'accord. La première étape, c'était tout d'abord de concentrer l'intelligence artificielle sur le fait de retrouver 3 espèces qui sont présentes dans le parc national de Foz do Iguaçu, entre Brésil et Argentine. C'est l'endroit où l'oiseau, qui est donc la colombe de Geoffroy, avait été vu pour la dernière fois. Et donc pour ça, l'équipe s'est concentrée sur 3 espèces qui sont également plus ou moins rares pour calibrer d'une certaine manière leur intelligence artificielle dans le procédé. Donc ils ont utilisé des enregistrements de tangara rouge-gorge, de myrmidon de snow et également de colombes aux yeux bleus pour voir si leur dispositif pouvait marcher, voir si l'intelligence artificielle était capable de reconnaître ces oiseaux. Et c'est d'autant plus intéressant que la colombe aux yeux bleus fait partie justement de ces oiseaux qui ont été un temps déclaré disparu, puisque le dernier signalement remontait à 1941. Mais en 2015, elle a été redécouverte par hasard par un ornithologue du nom de Rafael Bessa qui se promenait dans le Cerrado, qui juxtapose grosso modo l'Amazonie, qui est une partie forestière. Donc ce Rafael Bessa se déplace dans la forêt, enregistre le chant d'un oiseau qui lui est inconnu, le repasse pour essayer de photographier l'oiseau qu'il a entendu, en se disant peut-être que l'oiseau va effectivement réagir, et il s'avère que l'oiseau se présente à lui, il le prend en photo, il transmet son observation à l'observatoire d'oiseaux de Sao Paulo, Et là, l'observatoire de Sao Paulo n'en revient pas. Ils font « Oh mon Dieu, vous avez retrouvé la colombe aux yeux bleus !» Donc, il y a une équipe qui part pour chercher le spécimen. En 2016, eh bien, on apprend la redécouverte de cette espèce, de la colombe aux yeux bleus, puisque 12 individus ont été aperçus lors de cette recherche. Ce qui ne fait pas beaucoup, hein, on en convient, mais ce sont quand même de bons motifs d'espoir pour la survie de la colombe aux yeux bleus. Donc, ils ont pris ces trois espèces pour la partie intelligence artificielle. Ils ont installé des enregistreurs dans la partie brésilienne, 30, 100 autres dans la partie argentine. D'accord. Et comme les oiseaux apprécient une espèce de bambou très importante qui est le Guadua trini, et c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi ces oiseaux, c'est parce que la colombe de Geoffroy aime beaucoup le bambou d'Amérique du Sud. Eh bien, ils ont placé ces enregistreurs à ces endroits-là. Il faut savoir d'ailleurs que c'est un bambou qui fleurit tous les 30 ans et que la colombe apparemment de Geoffroy eh bien, suivrait la germination de cette espèce de bambou. D'accord. Ils ont enregistré une minute de son toutes les 10 minutes pendant 3000 jours d'enregistrement cumulé. 3000 jours d'enregistrement. C'est énorme. Et le résultat, c'est que ça n'a pas marché. Ah zut. Ah non, ça n'a absolument pas marché. Ah, alors du coup, il y a Carlos Arrojo qui a dit que les logiciels nécessitent la saisie de nombreuses données et avec des espèces aussi rares, nous n'avons tout simplement pas assez de données pour entraîner l'algorithme d'identification. Grosso modo, il n'y avait pas assez d'oiseaux qui étaient entendus par l'enregistreur, d'oiseaux qui étaient voulus par l'enregistreur, donc du coup, eh ben, l'intelligence artificielle n'a pas pu apprendre le chant des oiseaux. Ah. Donc, bah, il fallait recommencer. Ils ont recommencé sur la base d'un modèle statistique assez simple. Ouais. Ils ont créé un nouveau modèle sur la base d'enregistrement et l'algorithme compare le chant entendu avec une base de données. C'est une méthode qui n'est pas vraiment nouvelle, hein, mais qui a été utilisée d'une autre manière, puisque un autre écologiste en même temps, David Donoso, ont utilisé la bioacoustique pour étudier la résilience du choco, qui est un point chaud de la biodiversité en Équateur, qui a été transformé en zone agricole. Donc ils ont utilisé ce même système, et il s'avère que ça a marché. Ouh. Ça a marché pour identifier le tangara, ça a marché pour identifier la colombe, mais ça n'a pas très bien marché pour identifier le myrmidon. Donc, on peut dire que c'est une expérience qui est assez prometteuse. Et c'est justement cette expérience, le résultat de cette expérience, qui est sorti en juin dernier. Les auteurs parlent de Passive Acoustic Monitoring, ou le PAM. Ouais. Et par l'intermédiaire de Science News qui relaie l'information, eh bien, notre cher Carlos Arrojo s'est fendu de quelques mots. On peut soit utiliser moins d'enregistrements pour cartographier l'ensemble du paysage sonore des animaux et déterminer les espèces présentes, comme nous l'avons fait, soit utiliser un grand nombre d'enregistrements pour rechercher un seul type de son. Donc c'est une méthode de recherche pour identifier des oiseaux qui ont disparu, qui est à l'étude. On le sait, depuis quelques années, le son, ça commence à devenir vraiment un domaine d'étude extrêmement important pour le domaine de l'ornithologie. Mmh. Et peut-être qu'avec cette technique, on arrivera effectivement à avoir, à retrouver des espèces qu'on pensait disparues. C'est intéressant ça, ok. Et du coup, alors, c'est peut-être pas forcément sur ces oiseaux-là, mais il y a pas mal d'oiseaux qui sont capables d'imiter le chant d'autres espèces. Je me demande jusqu'à quel point cette méthode est finalement efficace pour déterminer qui, de l'oiseau original ou de l'imitateur, on écoute en ce moment même. C'est pas quelque chose qu'ils ont évoqué. L'étude n'est pas en accès libre. Ah. Vous devez payer pour avoir l'étude. Mais dans le résumé que faisait Science News, sur lequel je m'appuie beaucoup, il n'y avait pas spécialement l'évocation justement de ces de ce possible problème d'imitation. Hein. Mm. On a à peu près une Selon une étude sortie, je sais plus, il y a un an ou deux ans, on a à peu près 400 espèces d'oiseaux qui seraient capables justement d'imiter, qui seraient capables d'imitation. Ouais. Mais c'est vrai que c'est effectivement quelque chose qui devrait être pris en considération. Je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'ils ont pris en considération de leur côté. Après, ouais, ça peut être effectivement quelque chose de plutôt intéressant à voir. Par rapport aux autres oiseaux que j'ai cités, donc le myrmidon de Snow, pour essayer d'un petit peu de saisir à quoi il ressemble, c'est un tout petit oiseau très noir, voilà, pas spécialement pas beaucoup de couleurs, qui ressemble un tout petit peu au gomme-mouche, qui s'appelle aussi le myrmidon d'Alagoas. Alors je crois que le myrmidon de Snow est le nom le plus utilisé aujourd'hui, mais on a également le myrmidon d'Alagoas qui est utilisé. On a notre fameux Tangara qui lui est magnifique, hein, vraiment le Tangara rouge-gorge, c'est un super oiseau, je vous invite à voir sur internet à quoi il ressemble, mais c'est vraiment un oiseau magnifique, blanc-noir avec une gorge rouge, comme le rouge-gorge, hein, finalement, oui. bien marqué, avec un œil aussi un petit peu orangé, vraiment, vraiment magnifique. Et puis pour notre colombe aux yeux bleus, eh ben, il faut imaginer une colombe avec effectivement un œil très bleu, mais c'est pas tout, parce qu'il y a du bleu également sur une partie de l'aile. C'est un oiseau un peu rosé, un peu avec une queue un peu marronnée, un peu avec un plumage assez contrasté qui est assez joli. Voilà donc pour ces oiseaux à reconnaître. Et puis évidemment on a notre fameux oiseau de l'étude, à savoir la colombe de Geoffroy, qui, puisque je vais essayer d'en faire une petite description également, elle ressemble un peu à un pigeon de loin, avec un œil un petit peu rouge, avec un plumage finalement assez terne, mais quand même des motifs sur les ailes qui sont assez remarquables et assez facilement identifiables. Donc, voilà un petit peu pour les quelques espèces d'oiseaux que nous avons citées dans cette étude. Est-ce que c'est pas elle qui a aussi les ailes violettes ? Parce qu'il me semblait qu'il y avait aussi le nom tourterelle à ailes violettes ou un truc comme ça. Non, ça c'est du coup... Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. C'est une autre espèce. Alors, je ne sais pas quelle est l'espèce. D'accord. Je vais voir un petit peu ça sur Internet. Peut-être que Internet aura des informations à donner. C'est la colombe à nuque violette qui apparemment qui a plutôt un plumage iridescent, ouais, en réalité. D'accord. Non. Bon, ok. J'ai pas le nom de l'espèce en particulier. D'accord. Pour celle-ci. Très bien. Et bien, en tout cas, c'était vachement intéressant. C'est super sympa on peut arriver à trouver des oiseaux juste grâce au son. Surtout des oiseaux qui ont disparu depuis un moment. Oui, clairement. Mais on avait déjà, il y avait l'individual acoustic monitoring, on en avait parlé, je crois, avec Victor, peut-être avec toi aussi, qui consistait à rechercher un individu avec son chant. Alors, ouais, c'était pas le cas chez tous les oiseaux, mais c'était fait notamment chez les pipites, par exemple. Beaucoup d'études qui ont été faites sur la pipite. J'ai plus le nom de l'espèce, mais en tout cas chez une espèce de pipite. Donc l'objectif étant de déterminer individuellement les oiseaux par leur chant. Ouais. Là, effectivement, le fait qu'on utilise l'intelligence artificielle et puis l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi, mine de rien, dans l'étude de l'ornithologie, qui va peut-être aussi nous permettre de repérer des oiseaux plus facilement, peut-être de les remarquer plus facilement. Mm-hmm. Donc ça peut être aussi des choses intéressantes à prendre en considération. Peut-être que tu parlais de l'utilisation de la 3D la dernière fois pour les nids de vanneau. Oui, oui. C'est des choses qui rentrent de plus en plus en ligne de compte. C'est des choses dont tu entends parler, toi, de ton côté ? Oui, bah oui, les nouvelles technologies, tout de suite, ça devient de plus en plus facile d'accès, j'ai envie de dire, parce que après, bon, faut imaginer que ce sont des disciplines qui étaient assez peu utilisées précédemment, parce que c'est pas forcément facile à déployer, surtout quand c'est au stade initial de développement. Mais quand ça devient un peu plus facile à utiliser pour tous les chercheurs, bah dans ce cas-là, c'est des technologies qu'on peut utiliser dans plein de domaines différents, et en l'occurrence en ornithologie. Donc ça m'étonne pas qu'on commence à voir apparaître du machine learning pour les champs d'oiseaux, parce que finalement c'est des choses que l'on peut tout à fait utiliser de nos jours assez simplement. Finalement, bon, c'est pas super simple non plus, mais ça se fait quand même assez simplement comparé à ce qu'il fallait faire précédemment pour arriver à faire sortir ce genre de choses. Là maintenant, même si on n'est pas spécialiste machine learning, finalement on peut quand même arriver à faire des petits trucs sympas. Donc ça devient de plus en plus populaire, j'ai envie de dire. Oh, puis Voilà. on le voit de façon avec eBird, qui est une Oui. excellente application qui fonctionne extrêmement bien. Vraiment, on vous invite à utiliser eBird si vous êtes un ornithologue comment dire amateur. Oui. Puisque c'est un outil qui fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Alors évidemment, il faut que certaines conditions soient réunies. Mais moi, j'ai vraiment été surpris de la férocité de l'outil, qui La reconnaissance, vraiment, c'est bien. la très très grande majorité des cas tombe juste, quoi. Donc, Oui, bon, après, il faut savoir aussi que certaines fois, ça ne marche pas, hein. La reconnaissance des espèces comme ça, une idée humain d'espèce, probable. voilà. C'est pas toujours simple et ça marche pas à 100%, mais vraiment, on a fait des progrès fantastiques dans l'utilisation de la reconnaissance des espèces juste par photo. C'est assez incroyable hein, des fois. Et ça marche pas que pour les oiseaux, hein. Il y a aussi des applications pour les plantes maintenant, de nos jours. Si vous voulez reconnaître des trucs Dit. grâce aux fleurs, grâce à ce genre de choses. Il y a plein de trucs pour les arbres aussi. Je sais qu'il y avait des choses qui avaient des applications qui avaient été lancées en France. Il y avait quoi? C'était Clé de forêt, je crois, qui avait été lancée comme ça par l'ONF. Il y avait des applications comme ça qui avaient été Ouais, puis il y faites. a PlanteNet aussi, si mes souvenirs sont Oui. bons. Il y a plein d'applications sur les différents smartphones que vous pouvez avoir qui fonctionnent très très bien pour la reconnaissance des espèces. Le seul petit bémol, c'est qu'évidemment, vous devez avoir la photo de l'animal ou de la plante en gros plan, sinon ça ne marche pas, ce qui est logique. Mais sinon, c'est quand même assez précis et c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, j'avais discuté de ça avec. Je fais partie d'un groupe de la société de succulentes. De la ville où j'habite et de Cactée. Et en fait, on discutait de la reconnaissance et du nombre de photos qui étaient disponibles sur ces plateformes en ligne par des gens qui ne sont pas forcément des professionnels, hein, des amateurs qui postent leurs photos, qui aident la banque de données. Et il y a des chercheurs qui fouillent ces banques de données pour arriver à retrouver des espèces qu'on ne connaît pas ou qui ont disparu. Et c'est arrivé Fantastique, hein. encore. L'année dernière, de retrouver des plantes qui étaient complètement inconnues, en fait, et qui du coup ont été décrites grâce aux photos qui avaient été postées sur ces plateformes en ligne. Et ça, je trouve ça incroyable. Incroyable. Incroyable. Ouais. Donc, ça peut aussi, alors vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça peut aussi aider la science de mettre en ligne vos photos d'animaux. Alors, pour les oiseaux, c'est assez rare qu'on ait des espèces différentes, mais bon, surtout en Europe. Mais voilà, si vous trouvez un truc intéressant, ça peut parfois aider un scientifique de dire, ah tiens, vous avez vu cette espèce à cet endroit, ah c'est pas mal, je vais peut-être le rajouter dans mes données. Ça peut servir aussi. Sophie, restons désormais du côté des oiseaux avec le cormoran japonais. Ah, il a des Oui. particularités, le cormoran japonais, par rapport à l'européen? Non, bah, ça reste du cormoran assez classique, hein, j'ai envie de dire. Là, en l'occurrence, on est sur un cormoran marin. Ça s'appelle un cormoran de Temminck, si vous voulez avoir le nom un peu plus habituel. Bon, ça reste un oiseau assez gros, plutôt dans les tons noirâtres, avec un bec assez jaunâtre. Ça mange du poisson, hein, comme tous les cormorans. Là, ça a les pattes palmées et ça manque singulièrement de plumes sur les ailes, comme j'imagine que vous le savez certainement. Il y a une rangée de plumes qui a disparu. Donc on a des plumes en moins sur les ailes des cormorans. Est-ce qu'on a l'absence de la glande Alors uropygienne? sur celui-là, je ne sais pas exactement et je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer. Il faudra que je cherche une bonne question. Merci de l'avoir posée. Ah bah, pas de souci, hein. Mais en tout cas, voilà, on est sur du cormoran assez classique, j'ai envie de dire. Si vous voyez les cormorans en Europe, bon, bah, ça ressemble pas mal. La petite différence qu'on a avec ce cormoran-là, c'est que au Japon et en Chine un petit peu aussi, bon, la tradition s'est perdue de nos jours, mais au Japon, c'est resté. Il y a des pêcheurs qui utilisent ces cormorans de Temminck. De Temminck, d'ailleurs, je pense, parce qu'il y a un N à la fin. C'est du nom du chercheur, hein. Oui, c'est difficile à prononcer ce truc. Le cormoran de Temminck qui sont utilisés par les pêcheurs, enfin, certains, pas tous, certains pêcheurs japonais, pour capturer du poisson. Et c'est là que c'est assez incroyable, parce que bon, c'est finalement une technique qu'on ne voit pas en Europe. Alors, c'est une technique qui a été utilisée précédemment dans d'autres parties du monde aussi, mais qui a fini par péricliter très rapidement, hein, qui n'est pas restée autre part qu'en Chine et au Japon, et en Chine, ça s'est éteint assez récemment. Donc il n'y a plus qu'au Japon qu'on Ok. peut voir cette pratique. Au Vietnam aussi, je crois que c'est une tradition Oui, il y a dans la quelques baie rares endroits. d'Halong, effectivement. Exactement, bon, dans ces endroits-là, il y a quelques endroits où vous allez pouvoir le voir peut-être. Mais ça reste des pratiques qui sont très très rares, et même encore au Japon aujourd'hui, on a très peu, on a à peine une cinquantaine de pêcheurs qui le font encore, et c'est Incroyable. considéré comme un art traditionnel japonais. Et les poissons capturés par ces cormorans pêcheurs sont considérés comme étant de qualité premium, en quelque sorte, et avoir la marque du bec sur son poisson au moment de la vente, eh ben, qualifie le poisson d'extrêmement grande qualité, et vous pouvez le vendre plus cher d'ailleurs. Petite astuce. Et c'est considéré comme un art en fait au Japon, et c'est depuis. Alors il me semble que c'est Oda Nobunaga, l'un des shoguns de l'époque, il y a déjà pas mal de temps, qui avait instauré une relation très particulière entre le gouvernement et les pêcheurs qui utilisaient ces cormorans au Japon. Parce qu'il est considéré comme finalement des oiseaux très importants par chez eux, et le poisson qu'ils capturaient étant de première fraîcheur en quelque sorte, c'était ce poisson capturé par ces cormorans-là qui était envoyé au palais impérial et qui était exclusivement utilisé pour l'empereur. Et encore Incroyable. aujourd'hui, encore de nos jours d'ailleurs, hein, c'est effectivement assez incroyable, mais encore de nos jours, il y a toujours une relation entre la maison impériale au Japon et les pêcheurs, du moins ceux qui restent encore aujourd'hui, qui revendent, enfin qui donnent d'ailleurs de base leur poisson à l'empereur, ou le revendent aussi sur les marchés de temps en temps, mais le poisson va premièrement au palais impérial pour être utilisé là-bas. Et il y a toujours cette relation entre les deux, et d'ailleurs le palais impérial paye ses pêcheurs, il y a une certaine redevance hein, tous les mois. Ok. Qui est payé à ces gens-là, tout simplement pour perpétuer cet art traditionnel qui se perd un peu aujourd'hui. Et je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. J'imagine que personne n'a jamais vu en France quelqu'un pêcher au cormoran. Et c'est assez particulier. Et la technique est finalement assez. Barbare. Ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais en parler, parce que ça peut choquer. Ouais, effectivement. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu, je pense qu'ils sauront de quoi je parle. Pour les autres, on va expliquer rapidement. Donc, en gros, les pêcheurs ont avec eux des cormorans. Alors, ces cormorans sont pas des oiseaux qui sont élevés en captivité, ce sont des oiseaux qui sont pris dans la nature. Donc, c'est normalement des oiseaux sauvages. Alors, vous allez pouvoir voir écrit à droite et à gauche que c'est des cormorans qui ont été domestiqués. Alors, on va être très clair sur le sujet. Un animal domestique, c'est un animal qui a évolué au contact de l'homme, c'est-à-dire que l'homme a participé à sa reproduction, à la sélection des animaux qu'il préférait pour avoir des traits de caractère ou des formes particulières qu'il allait préférer. Donc, le cormoran n'est pas un animal domestique, hein. Ce sont toujours des oiseaux qui sont capturés dans la nature, qui n'ont pas évolué spécialement au contact de l'homme. Donc, il ne s'agit pas d'un chat ou d'un chien. Clairement, c'est un animal sauvage. Et c'est toujours un animal sauvage. Donc ces oiseaux-là sont des oiseaux sauvages. Et pour finalement les garder en captivité, eh ben, ils sont évidemment dans des cages ou dans des volières. Et lorsque le pêcheur les sort pour aller pêcher avec lui, ils sont attachés. C'est-à-dire que ces oiseaux-là sont attachés au niveau du cou par une sorte de nœud coulant qui est plus ou moins serré. Et ce nœud coulant ne sert pas seulement à garder l'oiseau près du bateau, ça sert aussi à faire en sorte qu'il ne gobe pas le poisson qu'il chope. C'est-à-dire que le cormoran, bon, la technique de pêche du cormoran, j'imagine que vous connaissez un peu, vous en avez certainement vu, qui plongeait sous l'eau pour aller attraper le poisson, et qui du coup le gobe entier, hein, ça rentre très bien. Hein. Le cou s'élargit suffisamment pour laisser passer le poisson dans l'œsophage. Et le nœud coulant autour du cou restreint la taille de l'œsophage donc et fait que les poissons les plus gros ne peuvent pas passer. Donc le pêcheur, ce qu'il fait, c'est quand le cormoran a attrapé un poisson, donc il va tirer sur la corde, récupérer son oiseau et faire ressortir le poisson qui n'a donc pas pu descendre le long de l'œsophage et il va lui masser la gorge pour faire ressortir, régurgiter le gros poisson. Et si c'est un petit poisson, par contre, il lui laisse, de toute façon, il y a la place pour que ça passe, il ne serre pas trop le nœud coulant non plus pour éviter qu'il y ait des problèmes, évidemment avec la respiration, etc. Mais voilà, mais du coup, c'est quand même une technique qui est un petit peu... Bon, je ne sais pas si je qualifierais ça de barbare, mais enfin c'est quand même assez... C'est assez vieillot comme technique quand même. Voilà. Il y a un moyen de faire évoluer cette technique-là et ils l'ont trouvé il y a quelques années de ça juste. Il y a une autre technique de pêche au cormoran qui s'était développée au Japon mais qui malheureusement s'est éteinte il y a quelques dizaines d'années seulement et qu'ils ont essayé de faire revivre, qui est une technique de pêche au cormoran où tu n'as pas besoin d'attacher ton oiseau. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de capturer des oiseaux adultes ou des jeunes oiseaux dans la nature, tu vas récupérer des œufs, tu vas les élever, enfin les couver en captivité en quelque sorte, et du coup tu vas récupérer les petits poussins qui vont être beaucoup plus malléables dans ces cas-là et qui vont être beaucoup plus faciles à entraîner et tu n'auras pas besoin de les attacher pour qu'ils reviennent vers toi et pour les entraîner à donner leur prise en quelque sorte. Et ça a été réalisé, je crois que c'est en 2021. Ils avaient relancé la tradition. Et donc ça, c'est une possible évolution de cette tradition vers quelque chose qui finalement serait plus sympa pour l'oiseau, où il n'y a pas ce nœud coulant autour du cou, et où simplement c'est une histoire d'entraînement avec l'animal, avec une habituation entre le cormoran et son dresseur. Moi, je trouve ça beaucoup mieux déjà. Ah oui, non, mais Voilà. y a plein de réflexions qui se font, notamment du côté des autochtones, des traditions de ces gens qui prennent conscience finalement que la nature est extrêmement fragile. Ils en prenaient déjà conscience, hein, parce que ce ne sont pas des gens qui vont tuer des animaux pour le plaisir ou autre, hein, ou qui vont déséquilibrer d'une certaine manière la nature. Ils en avaient conscience, mais là ils en prennent encore plus conscience parce que c'est quelque chose qui. Je vais pas dire qu'il est dans l'air du temps, mais quelque chose que l'on commence petit à petit à faire comprendre de plus en plus, de plus en plus. Et oui, faire évoluer les traditions, garder les traditions, c'est une bonne Exactement. chose d'une certaine manière. Les faire évoluer en est une autre bonne chose. Donc voilà, Voilà. c'est Bah, une quelque autre chose tradition, effectivement de c'est très exactement ça. intéressant à évoquer. Exactement. Et je suis Mais par surpris exemple, d'ailleurs que. Je suis surpris d'ailleurs qu'en Chine, ça ait disparu, enfin bah quasiment ça, disparu, mais c'est. le problème c'est qu'en fait ces pêcheurs-là en Chine, ils n'ont pas la même relation avec le gouvernement que les pêcheurs japonais. Les pêcheurs Bien japonais sûr. sont soutenus financièrement par le palais impérial, parce que du coup il y a cette relation qui s'est établie depuis longtemps. Et en Chine, c'est pas le cas. Donc ces gens-là doivent survivre en vendant leurs prises, leurs poissons, et c'est pas forcément facile d'être en compétition avec des méthodes de pêche plus modernes, qui du coup ramènent plus de poissons, parce que bon, le cormoran, il est bien, hein, mais là, la séance de pêche typique d'un cormoran, ça va être une heure et demie, et puis après, bah, ton oiseau, il est fatigué, puis il a mangé suffisamment de petits poissons, de toute façon, il a plus faim, donc il ira plus pêcher, il va juste patauger vite fait dans l'eau, puis c'est tout. C'est un peu comme... Il va danser, et puis voilà, c'est tout. C'est ça, bah c'est un Mais peu comme quand tu sors ton oiseau de proie pour aller à la chasse, par exemple. Tu vas faire ta chasse, tu vas te balader un peu, bah une fois qu'il s'est gorgé, ton oiseau de proie, bon, bah c'est fini. Voilà. Ça... tu voulais rajouter un truc avant qu'on parte sur ça. Oui, bah en France, vu qu'on parle des traditions en fauconnerie, par exemple, en Europe, Il était d'usage avant l'utilisation du chaperon, vous savez, ce fameux petit bonnet de cuir qu'on met sur la tête des oiseaux et notamment des faucons pour éviter qu'ils n'aient peur de tout ce qui passe autour d'eux, pour les garder bien calmes. Et ben avant ça, on avait pour habitude de lier les paupières des jeunes faucons, notamment des émerillons et de ce genre de choses que Ah ouais? les. Et oui, que les dames utilisaient pour la chasse et puis même après pour les faucons un peu plus gros. Incroyable. Et donc on cousait carrément les paupières. Il y avait toute une manière de faire pour coudre les paupières de l'oiseau pour qu'il s'habitue à la présence de l'homme. Parce que pareil, c'était des oiseaux qui étaient sauvages, qu'on prenait dans la nature, qu'on ramenait en captivité pour les faire chasser pour soi et pour obliger l'oiseau à s'habituer à la présence de l'humain. Eh ben, on le mettait dans le noir volontairement et on lui faisait l'habituer au bruit du château, on l'habituait à se poser sur la main, on l'habituait à plein de choses. Et une fois qu'il était suffisamment malléable en quelque sorte, suffisamment habitué à l'homme, ben, dans ces cas-là, on rouvrait les yeux et c'était beaucoup plus simple de la fêter de Incroyable. cette manière. Donc, faut se Ok. souvenir qu'en Europe, on avait aussi des traditions barbares qui, fort heureusement, de nos jours ont disparu. Donc, il y a eu cette évolution de la tradition qui a permis d'avoir des méthodes un peu plus sympas, quand même. Voilà. Ah oui, totalement, totalement. Après, faut pas oublier que ça, y en a encore énormément des traditions. Il y en a encore énormément des traditions barbares tout au long de Oui. tout, dans le monde entier. Hein. Moi, je pense à un ami du Liban avec qui je discute de temps en temps, qui où là-bas être ornithologue, c'est un parcours du combattant. Hein. C'est Ah. vraiment Ah oui. on peut même parler de on peut même parler de vie ou de mort hein, à ce moment-là. Donc ouais, non, Aïe, aïe, c'est quelque chose de particulièrement compliqué. Donc aïe. voilà, Oui. on a sa chance, mais ça évolue au fur et à mesure du temps, ça évolue, et c'est aussi grâce à ce genre d'émission, à ce genre d'initiative, de discussion, qu'on peut également faire évoluer les choses. Exactement. Et ben en tout cas, c'est un beau message pour terminer ce nouvel épisode du Courrier de la Citerne. Merci Sophie, encore un grand merci à toi d'avoir participé à celui-ci. Bien, Est-ce que tu merci veux à toi. rajouter un petit quelque chose? Bon, merci à toi d'être toujours au rendez-vous aussi. Toujours Ah agréable de discuter d'oiseaux. ben, toujours un plaisir. On te retrouve sur Twitter, @leplumeux, on te retrouve sur YouTube avec Julien dans Tract Oui. Science. On te retrouve sur Twitch lorsque tu as le temps de faire des lives, Oui. c'est-à-dire pas maintenant. De temps en temps, bah, j'ai eu un petit peu, j'ai eu quelques semaines chargées. Mais Excuserez. bon, c'est pas très grave. Et nous, on se retrouve évidemment en podcast sur YouTube pour la version vidéo et sous-titrée, Spotify, Deezer également. On se retrouve également sur d'autres plateformes, sur PodCDLS, sur Twitter, bien évidemment. On va essayer d'arriver sur d'autres plateformes de communication et d'enregistrement un tout petit peu plus tard. On vous tiendra bien évidemment au courant. D'ici là, n'hésitez pas à participer à cet épisode et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Citerne. Salut à tous, À salut à plus. toutes.